meilleur moyen de se dorer la pilule, c'est encore de la vallée, c'est encore de la vallée. Laisse-toi porter au gré des vents et marées. Ne bouge pas, reste tranquille. Ne bouge pas, reste tranquille. De ton cas, sans que tu ne lèves le petit doigt. Repose-toi, reste tranquille. Repose-toi, reste tranquille. Détends-toi, détends-toi, ça ira mieux. Et break la douleur insupportable, te rends pour se laisse aller. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Car comme on dit, la vie c'est un long fleuve tranquille, c'est ce qu'on dit dans les films. Par des enfants sages, c'est vite passé tout fait, c'est vite passé tout fait. Il nous reste juste un arrière-goût acide amer, mais sans rancœur aucune, sans rancune au cœur. Détends-toi, détends-toi, il sera mieux. Il paraît que la douleur est supportable quand on se laisse aller.